Je suis titulaire du permis depuis plus d'un an. J'ai été contrôlé avec une alcoolémie de 0,60 g d'alcool par litre de sang. Mon permis est invalidé? Oui, réponse A. Non, réponse B.